Chapitre 8. Ah, que n'es-tu mon frère, allaité par ma mère. Te rencontrant dehors, je pourrais t'embrasser sans que l'on me méprise. Je pourrais t'emmener, je te ferais entrer au foyer de ma mère. Là, tu m'enseignerais et je te ferais boire du bon vin parfumé de mon jus de grenade. Son bras gauche soutient ma tête et son bras droit m'enlace. Ô fille de Jérusalem, ô je vous en conjure, n'éveillez pas, non, ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. Qui donc est celle-ci qui monte du désert, s'appuyant sur son bien-aimé? C'est dessous le pommier que je t'ai réveillée, à l'endroit où ta mère t'avait conçue, oui, au lieu même où te conçut celle qui devait t'enfanter. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. L'amour est fort comme la mort, et la passion est indomptable comme le séjour des défunts. Les flammes de l'amour sont des flammes ardentes, les flammes de la foudre venant de l'Éternel. Même de grosses eaux ne peuvent éteindre l'amour, et des fleuves puissants ne l'emporteront pas. L'homme qui offrirait tous les biens qu'il possède pour acheter l'amour n'obtiendrait que mépris. Nous avons une sœur. Elle est petite encore. Sa poitrine n'est pas formée. Que ferons-nous pour elle lorsqu'il sera question de la marier? Si elle est un rempart, nous bâtirons sur elle des créneaux en argent. Si elle est une porte, nous la bloquerons d'un madrier de cèdre. Moi, je suis un rempart. Mes seins en sont les tours. Aussi ai-je trouvé la paix auprès de lui. Salomon avait une vigne à Baal-Hamon. Il l'a remis à des gardiens. Pour en payer le fruit, chacun d'eux lui donnait un millier de pièces d'argent. Ma vigne est à moi, je la garde. Toi, Salomon, tu peux avoir ton millier de pièces d'argent, puis 200 pièces seront données à ceux qui ont gardé ces fruits. Toi qui habites les jardins, des compagnons prêtent l'oreille. Oh, fais-moi entendre ta voix. Enfuis-toi vite, toi, mon bien-aimé, et sois pareil à la gazelle ou à un jeune faon sur les monts embaumés.